Cela fait maintenant une semaine que je te connais. Pourtant j'ai l'impression d'être né à tes côtés. C'est la naissance d'une grande amitié, mais sûrement qu'il y a un grand amour à la clé. Tu sais que ta beauté est la source de mes pensées. Sans ça je ne peux pas éliminer toutes mes journées. Tu es la fille que j'espérais rencontrer, celle qui me donne le bonheur que j'attendais impatiemment assis sur le côté. Aujourd'hui tu fais partie de mes rêves, c'est pour ça que mon amour se relève. Cet amour qui t'est perdu très loin dans mon passé, et toi qui maintenant m'aide à le relever. Tu n'imagines pas à quel point je peux t'aimer, me donner ton cœur sera le seul pilier. De ce couloir qui me mène à toi, j'aperçois sa fin là-bas. Maintenant t'as moi ta main, dis-moi je t'aime, tu vas. Dans mes rêves, tu es l'actrice principale. Embrasse-moi pour arrêter ce mal qui me suit depuis ton regard croisé le mien. Ce regard qui a fait naître une histoire d'amour sans fin. Dans mes rêves, tu es la seule qui me rapproche de la vérité. Embrasse-moi pour que ce rêve devienne réalité. Il faut qu'on arrête de se mentir, je t'aime, je te laisse pas partir. Première rencontre à Pépin, cette rencontre je la dois à mon cousin. Car aujourd'hui mon bonheur dépend du tien. Mais maintenant je me demande bien, qu'est-ce qu'un feu sans flamme, qu'est-ce qu'un homme sans femme. C'est pour ça que je te donne mon âme. Je n'aimerais dire qu'une chose, embrasse-moi. Mais un obstacle se lève devant moi. C'est un jeune garçon qui est fou de toi. Ce n'est pas pour autant que je ne t'aime pas. En ce moment j'aimerais t'avoir dans mes bras. Je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais cet amour agit sur moi comme un poison. L'amour que j'ai pour toi est un océan dans lequel je n'ai pu m'empêcher de plonger. Ton cœur est la seule clé de mes sentiments, et là j'attends que tu viennes me délivrer. Je t'aime mais je ne sais pas comment te le dire. C'est pour ça que j'essaie de te l'écrire. Le jour où tu m'as demandé d'écrire cette chanson, à moi c'est élevé mon amour le plus profond. Le reflet de tes yeux me rend simplement heureux, et tu prêtes à construire une histoire à deux. Dans mes rêves, tu es l'actrice principale. Embrasse-moi pour arrêter ce mal qui me tue de ton regard croisé le mien. Ce regard qui a fait naître une histoire d'amour sans fin. Dans mes rêves, tu es la seule qui me rapproche de la vérité. Embrasse-moi pour que ce rêve devienne réalité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Je t'aime, je ne te laisserai pas partir. Dans mes rêves, tu es l'actrice principale. Embrasse-moi pour arrêter ce mal qui me suit depuis ton regard, croise le mien. Ce regard qui a fait naître une histoire d'amour sans fin. Dans mes rêves, tu es la seule qui me rapproche de la vérité. Embrasse-moi pour que ce rêve devienne réalité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Je t'aime, je ne te laisse pas partir.